dit quoi à tes mots? Je te fonds ma fête dans ta chatte. On dit quoi de la fée? Faut qu'ils allongent les chèques sur la table. On s'en fout ton département. Tais-toi et écoute, car le son des halls 2008. Baisse-moi, je mets des coups de ça, je m'écoute. Mais t'écoutes pas, mais t'écoutes pas. Qu'est-ce t'écoutes pas, nous quoi? Ouais, j'étais ouf. J'ai mis toute ma rage, mais qu'on détouffera. J'ai des faces, trop basse, trop basse, pas. Les pas trop mal, général. T'es pas trop sale dans mes sacs de rage au gramme. On dit quoi? On dit c'est taille, on dit c'est dardard. On dit qu'on rappe pour ceux qui crèvent. On dit clic pas, c'est pour mes tartares. J'dévale, la balle était mal, mal. De la VAD, mon pétale à falle. J'marche au milieu des merdes et des flaques de pisse. Trop de cafards, j'compte plus les fois où j'ai le mal de vis. J'ai pas de charme, ni sa mère, ça parle. De chatte de pisse, d'armes, marde. Voir les miens en marge. On vit sur une île perdue, entouré de la poulaille. Ici c'est le KFC, on en bouffe H24 sur écoute. J'préfère tomber qu'on me dise plein pas et nettoie. Parce que faut tomber dans les pommes pour enfin voir les étoiles. Mets-toi bien, aucun frollo, mets-toi bien, aux lignacs, mets-toi bien, aucun poteau, mets-toi bien, auditeur, mets-toi bien, aucun gros, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, aucun frollo, mets-toi bien, aux lignacs, mets-toi bien, aucun poteau, mets-toi bien, auditeur, mets-toi bien, aucun gros, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, gros. J'suis ghetto youth, animal, j'ai rien de salutaire, juste un rap sale comme t'es sanitaire. J'rappe mes gars, rien à foutre si ça lèche ou pas. De l'alpha l'oméga, un seul but, marcher au pas. Chaud à la tête, rap hexagone attitude. T-E-L, A-P-E, rap depuis ses attitudes. Rap mon côté malsain, rap la sale attitude. Rap la vérité d'oubli de sa mère, les petits tubes. Rap du Jekka, rap de ce qu'est-ce qui n'est vilain. Rap de vilain, appelle-moi Caterpillar. C'est du rap thug, rap animal, testa. Toute la night, señora, rap sexe à la vista. T-E-L, animal thug, j'aurais pas rappé. Mais j'aime ça, ça me fout la ta al. Départ du 9-1, où ça rappe tel quel. Sans point des yeux, vilain, appelle-moi Caterpillar. C'est du rap thug, rap animal, testa. Toute la night, señora, rap sexe à la vista. T-E-L, animal thug, j'aurais pas rappé. Mais j'aime ça, ça me fout la ta al. Départ du 9-1, où ça rappe tel quel. Sans point des yeux, où ça rappe tel quel. Sans point des